Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, nous sommes encore tout proches de Noël, et puis en guise, parce que l'actualité est tellement affligeante, hein, c'est vrai, avec ce qui se passe socialement en France, hein, ces reculs assez historiques par rapport à la protection sociale, aux retraites, etc. Hein, et puis par rapport au chômage, exactement. Donc, je voudrais quand même, en cette période de fin d'année, en cette période de Noël, parler d'un petit conte que j'ai retrouvé dans Contes et légendes d'Alsace. C'est Wolf Dietrich. Dans le beau château fortifié de Salneck, vivait une princesse d'une grande beauté nommée Hildegonde. Elle était si belle que son père, jaloux d'un tel trésor, la tenait enfermée dans une haute tour pratiquement inaccessible. On ne sait comment, mais toujours est-il que le récit de sa triste destinée parvint aux oreilles du chevalier Hugliedrich, qui, en entendant parler de sa grande beauté, tomba aussitôt amoureux de la jeune prisonnière. Il décida sur le champ de la délivrer. « J'ai déjà combattu contre beaucoup d'ennemis. Je suis fort, je suis vaillant, je parviendrai à pénétrer dans la tour. » Grâce à un ingénieux déguisement et la complaisance des valets, il réussit à pénétrer d'abord dans le château, puis du château dans la fameuse tour. Hildegonde est cloîtrée depuis de longues années. Sa seule distraction est de broder ou de faire de longs travaux de tapisserie. Et tout en tirant l'aiguille d'or, elle rêve, et dans ses rêves, il y a toujours un prince, plus beau que le soleil, qui viendra un jour dans la tour. Et le jour vint où le rêve prend corps. Hildegonde ne put rester insensible au courage de Hugues Dietrich et à de telles preuves d'amour. Elle donne son cœur et sa main au jeune et séduisant chevalier. Un vieux prêtre favorable à leur projet les marie. Une nuit en cachette. Quelques mois plus tard, Hildegonde s'aperçoit qu'elle va être mère. Comment se soustraire au courroux du père qui va tout apprendre et qui certainement se vengera cruellement d'avoir été trompé par sa propre fille. Hugues Dietrich prend une décision cruelle, mais il est brave et son cœur est dur. Aussitôt que l'enfant sera né, dit-il à sa femme, nous le déposerons dans les douves du château et alors à la grâce de Dieu. Hildegonde, malgré son chagrin, se range à la vie de son époux. C'était en plein hiver, il faisait très froid. Une louve qui rôdait dans les parages entendit des cris et découvrit l'enfant nouveau et couché dans le fossé d'enceinte. La louve avait bon cœur. « Si je laisse ce pauvre petit ici, il va mourir de froid. Et bien que j'ai déjà 10 louveteaux, une bouche de plus ou de moins à nourrir, ce n'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, il va amuser mes enfants. » L'enfant grandit donc au milieu des jeunes loups, jouant avec eux dans les clairières. Il était heureux et les considérait comme ses frères. Au château, maintenant, l'union d'Hugues Dietrich et d'Hildegonde est reconnue par le père. Un jour que le chevalier poursuit un sanglier dans la forêt, il aperçoit un enfant jouant avec les louveteaux. Il reconnaît son fils grâce à la chaîne d'or que sa mère lui avait mise au cou avant de l'abandonner. Fou de joie, il prend l'enfant en croupe et le ramène au grand galop à sa mère. Hildegonde, qui avait souvent pleuré son fils perdu, si lâchement, voit en son tour le pardon de sa faute et embrasse son enfant. Elle décide aussitôt de l'appeler Wolf Dietrich, après avoir entendu le récit de son époux. Mais Wolf Dietrich a toujours habité la forêt. Il n'aime pas les hommes qui se moquent de lui et le surnomme le loup. Ses propres frères eux-mêmes refusent de partager leur jeu avec lui. Tu ne peux être notre frère puisque tu es loup, un vilain loup. Le père lui-même finit par détester ce fils et cédant au désir des autres enfants, il appelle son fidèle écuyer. « Il faut aujourd'hui même se débarrasser du loup. Prends-le avec toi, conduis-le dans un endroit écarté de la forêt et tue-le. » Le vieux serviteur sent ses yeux se mouiller à la pensée de ce crime abominable qu'il lui faudra commettre pour obéir à son maître. Il prend sa grande épée et, accompagné de l'enfant, se dirige vers la forêt. Le loup sautait de joie, tout heureux de revoir sa forêt, loin de ses frères si méchants et de son père qui sans cesse le grondait. Mais le vieil écuyer ne peut se décider à accomplir l'ordre de son maître. Il s'enfonce toujours davantage avec l'enfant dans la forêt, lorsqu'ils parviennent à une pauvre chaumière auprès de laquelle travaille un bûcheron, à qui l'écuyer conte son aventure. « Mon fils vient de mourir et ma femme ne peut se consoler. Confie-moi l'enfant, dit le pauvre homme. Ma femme l'aimera comme le sien. Nous ferons notre fils. Il vivra dans la forêt et plus tard travaillera avec moi, s'il le veut. » Ainsi fut fait. La femme aima comme son fils l'enfant qui grandissait et devenait une force peu commune. Rien ne lui faisait peur. Ses camarades de jeu avaient pour lui une admiration mêlée de crainte. Un jour, il fait voler un éclat d'un coup de marteau l'enclume sur lequel il travaille. Il apprend le métier de bûcheron, puis celui de forgeron, décide ensuite de connaître le monde. Il part à l'aventure, terrasse des géants, lutte contre des monstres. Sa force, son courage sont maintenant connus de toute l'Alsace. Et sa vertu n'a pas été éprouvée. Et le destin va le placer dans des embûches redoutables. Un jour que Dietrich se reposait dans une clairière, par une belle soirée d'été, une fée d'une grande beauté, toute couverte d'or et d'argent, lui apparut. « Suis-moi, lui dit-elle, je vais te conduire dans un lieu merveilleux. Mais là, tu devras résister à l'emprise du luxe et du plaisir que de tous côtés tu verras. Si tu m'obéis, en tout point, tu seras royalement récompensé. » Tout en parlant, la fée le conduit dans une grotte enchantée. 12 grâces d'une beauté incomparable l'entourent. Elles se mettent à son service. Pendant les repas, il voit les mets les plus riches et les plus délicats s'offrir à la table. Les vins les plus parfumés coulaient indéfiniment dans sa coupe d'or. Rien ne l'émeut, rien ne le trouble. Il résiste et sort vainqueur de l'épreuve. La fée Sigemine, la plus belle de toutes, lui fait présent d'une tunique tissée par les normes et qui a la vertu de préserver son corps des blessures. Dietrich, après ce succès, va affronter le dragon furieux qui terrorise toute la montagne voisine. Et pour le prix de la victoire, le vainqueur doit recevoir la plus belle couronne. C'est un combat sans merci. Le monstre, en serrant le malheureux, l'a déjà englouti tout vivant. Quand soudain, ayant transpercé l'animal, notre héros reparaît vivant, mais inondé de sang des pieds à la tête. Ce bain de sang a accru encore l'invulnérabilité du loup et lui a donné le pouvoir de comprendre le langage de tous les oiseaux. Et en récompense de sa bravoure et de son audace, il obtient la main de la ravissante Sidrata, la plus noble et la plus riche de toutes les princesses du royaume. L'amour seul régit leur mode de vie. Ils connaissent les jours les plus heureux dans leur château. Mais un jour, Sidrata désire apprendre le secret de l'invulnérabilité de Wolf Dietrich. Il le lui explique et lui confie qu'il pouvait toutefois être blessé près du cœur durant son combat avec le dragon. En effet, sa poitrine n'avait pas été entièrement baignée par le sang du monstre. Aussitôt, la princesse fait broder sur la tunique de son époux une croix à l'endroit vulnérable. Elle appelle son valet Hagen le Borg. « Tu veilleras, lui dit-elle, à la chasse, comme à la guerre, que jamais un coup ne soit porté sur cette marque. » Mais Hagen est jaloux et perfide. Un jour qu'il accompagnait son maître à la chasse, il le transperce de sa lance. « Si vous passez par la montagne d'Ax, à une heure avancée de la nuit, vous pourrez entendre un cliquetis d'armes. C'est le fier Dietrich, dit le loup, qui fourbit ses armes et qui s'exerce au combat. Un jour viendra où le héros livrera la bataille décisive. » Ben voilà, je tenais pourquoi à lire ce conte. Ben c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup parlé du loup en 2018, bien sûr, hein, comme les années précédentes, et puis que le loup, ben, il existe dans les Vosges. Hein, il a existé dans les Vosges, il revient dans son territoire. Et ma foi, comme toute la faune sauvage, on doit le respecter. On doit le respecter et non pas forcément le chasser. Ajoutons à cela qu'il y a beaucoup de légendes où véritablement le loup, les fils de loup, hein, je ne parle pas seulement de la louve romaine, a sa place dans les légendes. Le loup n'est pas toujours un visage négatif dans les différentes légendes, et on voit que les contes et légendes d'Alsace en parlent également avec Dietrich le loup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et puis bien sûr, bonne fête de fin d'année, à jeudi prochain si tout va bien.